étrangers. Et leur ombre s'atteinte au creux de mes pensées, comme un fait qui se peint au-delà du couleur G. Aux sorcières pérennes, vos occultes travées, vos enjolis poèmes de charmes avancés. Maléfique et vilaine, minimal prioré.